boys. Je suis, meurtrier d'État. Je suis le 48 City. Je suis la voix de VLD. Je suis tant de souffrance endurée. Je me soucie que nos frères ne baissent pas les armes, que nos sœurs relativisent devant tant de harnes. Oui, nos pères se noient, peignés dans leurs larmes. Genre mon sourire, tout droit du Val de Marne. Je repense à l'Elbi, son passage en sombrie. À Sam Sofiane, le message des Sarbis. À toutes les insultes, ma gueule au raclis. À tous les keufs dans les cités qui se replient. Je me revois, le visage sur la file du train. Regardant ma mère, ma gueule, le visage déteint. Car j'oublie pas que Nas est né un beau matin. Que j'ai jamais rien eu dans leur putain de magasin. Ce que je fais aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait hier. Je repense à ma zine, pleurant à la mort au cimetière. Je repense à mes fureurs, plus mots que de vérité. Je repense aux journaux, le jour où on a dû en voir un cas des Pierrot. Et chaque souffrance me fait devenir des hommes. C'est pas la parole mais les actes qui font de nous des bonhommes. Je compte pas à découvert, je compte pas me replier. Je compte bien remplir ma genouillée pour prier. Et alors j'ai vu ma tante bouger sur une sonde. Mon zincou, ma gueule, freestyle sur les ondes. Pédale ou bonhomme, il faut tout pour faire un monde. Je te le redis, c'est pas la parole mais les actes qui causent. Car les disparitions touchent les mêmes au même prix. C'est pas NZ qu'il faut, c'est que je m'agenouille, que je prie. On dit toujours, ce qui fait avancer les choses sont les actes. Gandhi, Malcolm X, De Gaulle ont eu le trac. Car des belles paroles servent à ramener des partisans. Parleront-on de paix en France dans 10 ans? Tous dessinent les signes, sont Illuminati. Porteurs de produits, donc qui illuminent ta vie. Blackberry, chante la vérité comme je peux. Mais les mots en verlan, c'est une propagande envers Dieu. Tout est manipulé, l'avion du World Trade Center portant les numéros qui ravageront les deux sœurs. Ils nous font croire que le problème se nomme Al-Qaïda. Des attentats pour que les musulmans gardent la burqa. Et ceux qui disent fiers d'être arabes ne voient pas. Éliminer Ben Laden, c'est éliminer le vrai combat. Chaque souffrance me fait devenir des hommes. C'est pas la parole mais les actes qui font de nous des bonhommes. Je compte pas à découvert, je compte pas me replier. Je compte bien remplir ma genouillée pour prier. Et alors j'ai vu ma tante bouger sur une sonde. Mon zincou, ma gueule, freestyle sur les ondes. Pédale ou bonhomme, il faut tout pour faire un monde. Je te le redis, c'est pas la parole mais les actes qui causent. L'indépendance, les pays l'auront avec perte et fracas. Reconstruire un pays qui a déjà tant de dégâts. Les révolutionnaires crient au nom de la liberté. Mais la liberté ne se fera qu'en cas de guérilla. Kadhafi, plus d'une fois on l'a vu se manifester. Les États-Unis veulent faire les gentils, crient pour l'humanité. Et ceux qui disent fiers d'être arabes ne voient pas. Éliminer Ben Laden, c'est éliminer le vrai combat. Et chaque souffrance me fait devenir des hommes. C'est pas la parole mais les actes qui font de nous des bonhommes. Je compte pas à découvert, je compte pas me replier. Je compte bien remplir ma genouillée pour prier. Et alors j'ai vu ma tante bouger sur une sonde. Mon zincou, ma gueule, freestyle sur les ondes. Pédale ou bonhomme, il faut tout pour faire un monde. Je te le redis, c'est pas la parole mais les actes qui causent. Des tas.